Bah moi je suis venu ici pour écouter Radio Dio 89.5 FM. 89.5 FM. Ok, ok. Radio Dio, par en live, 89.5 FM. 895 Radio Dio, donc en direct de la salle Le Fil à l'occasion du concert de Zone Libre et Marc Namour, que nous retrouverons à 19h30 dans 30 minutes tout rond. Mais pour introduire cette émission, eh bien, on va commencer par vous allécher un petit peu, vous mettre en haleine, non? Avec un petit teaser. Bah oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, Luc, bonsoir Lionel. Dio part en live de 19h en 20h en ce vendredi 21 février en direct live. On précise que cette émission sera diffusée et rediffusée ce lundi 24 février à midi et mardi 25 février en matinale dès 8h. Bon appétit, bon café. Et oui, on bouscule un petit peu notre grille pour ce plateau live. On est ici sur la scène du club, salle Le Fil, où nous allons réaliser cette émission durant près d'une heure avec, en gros, on va le préciser, un petit peu deux grandes parties dans cette émission. Nous sommes là dans le club qui est plutôt salle vide pour l'heure, car les portes sont encore fermées. Et vous allez pouvoir nous rejoindre. Vous allez pouvoir nous rejoindre à 19h30. Alors, de 19h à 19h30, on va assurer ce direct avec une première invitée qui devait être avec nous au plateau, mais voilà, là aussi, petit problème d'agenda et de planning. Une interview qui a été réalisée hier matin, donc c'est tout frais, auprès de la directrice de cet équipement, qui est Ludivine Ducrot, pour parler de l'actualité culturelle bien agitée et secouée en ce moment. On va parler politique culturelle, avec tout ce que l'on entend ici et là. Et il y a de quoi dire. Ce sera le premier volet, première partie de cette émission. À 19h30, tout à l'heure, eh bien, les portes vont s'ouvrir, le public va pouvoir nous rejoindre ici, avant d'assister à ce concert de Zone Libre. À 20h30, eh bien, le trio, c'est-à-dire Serge Tessoguet, guitariste, Cyril Bilbao, le batteur, et le rappeur Marc Namour, seront avec nous de 19h30 à 20h, ici en direct et en public donc, pour ce deuxième volet et deuxième partie d'émission. C'est tout le sommaire et programme tout à fait de ce duo parent live du jour, Loïc. Et ce trio, eh bien, ça donne ça. Ne croyez pas avoir étouffé la Casbah. Ne croyez pas bâtir sur nos dépouilles votre nouveau monde. Ne croyez pas avoir étouffé la Casbah. Ne croyez pas bâtir sur nos dépouilles votre nouveau monde. Moi, j'ai visité des villes écrasantes, des villes dont les habitants craquaient entre les murs, des villes comblées de voyous, qui respiraient par de larges cicatrices comme des poissons, le ciel ouvert à la figure, des villes de mendiants intraitables, avec des chiens en peau de lion, qui jappaient dans le ciel attachés à la misère, des villes de fer, où le muscle et le cœur choqués faisait frémir les peaux d'épouvante murées de la sueur, des villes tenues à l'œil. Et partout dans toutes ces villes vives, j'ai rugi de joie. J'ai rugi de joie. En sentant ronronner dans mes voiles d'immenses tornades striées de bonne hostilité, de claire colère d'assassin, de fin projet de ruine. Et avant d'entrer dans le crépitement du brasier souterrain, eh bien Lionel, tu vas nous proposer de rentrer dans le crépitement du brasier culturel. Et oui, on retrouvera tout à l'heure Zone Libre, Serge Tessoguet, Cyril Bilbao, Marc Namour avec nous à partir de 19h30. Après avoir repris les mots d'Aimé Césaire dans le projet Debout dans les cordages, le trio est de retour avec donc les mots de Kateb Yacine, ce qui donne ce spectacle dans le crépitement du brasier souterrain qui a été joué pour la première fois en mars 2024 à la Maison de la Poésie à Paris, joué ce soir, ce sera à 20h30 ce vendredi à Saint-Étienne, salle Le Fil. C'est leur troisième venue, on aura l'occasion de repréciser tout cela avec eux tout à l'heure pour cette formation à géométrie variable. Dans un premier temps, en effet, Loïc, j'ai rencontré hier matin Ludivine Ducrot, directrice de cet équipement de la salle Le Fil, pour faire un état des lieux, enjeux de la politique ou des politiques culturelles actuelles. Bon nombre de menaces pèsent sur le secteur depuis quelques semaines, quelques mois. Ça a même dépassé la menace là quand même. On est dans l'action là quand même. On est presque dans l'action. L'occasion d'en reparler. Alors ça nous rappelle une drôle de période. On pensait qu'on était passé à cet autre monde depuis 4-5 ans après cette période Covid. Finalement, voilà, quelle place pour les artistes dans la culture aujourd'hui ? C'est même une question posée sur le mur, ce panneau d'affichage présentant diverses œuvres sur la devanture du fil, qui pose cette question, quelle place pour nos artistes aujourd'hui dans le monde, dans la société ? Eh bien voilà, quelques éléments de réponse avec donc Ludivine Ducrot pour ce long entretien qui va nous accompagner jusqu'à près de 19h30 pour faire donc, comme je le disais, cet état des lieux et donc poser les enjeux de ces politiques culturelle actuelle, présente ou à venir. En premier lieu, précisément, son ressenti, justement, question posée hier matin, d'emblée pour le lancement de cet entretien. Oh bah le ressenti, il est un peu sur de la nostalgie, en fait. On se questionne beaucoup sur cette période, une période qui est très anxiogène, de par globalement une société qui devient très anxiogène, mais aussi pour notre secteur, qui commence à avoir des alertes à beaucoup d'endroits. Et c'est vrai qu'on est tous assez inquiets. On est quand même combatifs. On a envie de continuer à faire valoir, en fait, le fait que la culture doit être centrale dans notre société. Et on s'aperçoit qu'il va falloir changer nos combats. Il va falloir qu'on change nos discours, il va falloir qu'on se positionne différemment. Il est clair que là, on arrive dans une période où on est sur un changement de paradigme profond. On se disait déjà ça, effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure sur la période Covid. On pensait être sortis de là, en ayant compris qu'on était essentiel. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est peut-être plus vraiment le cas partout. Donc il va falloir qu'on reprenne notre bâton de pèlerin, si ce n'est le cas, pour aller voir un peu tout le monde et expliquer ce qui se passe. Je pense que là, on est aussi sur une période où il faut mettre les gens en conscience, parce que j'ai un peu l'impression que les discours vont tellement vite, les réseaux sociaux s'affolent tellement rapidement, que je ne sais plus vraiment en fait si les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse un peu de pédagogie pour expliquer ce qui se passe en fait, parce que là je crois que c'est un peu grave en fait ce qui se passe en ce moment, donc il faut qu'on parle. Alors parlons-en justement, tentons de faire un peu de pédagogie, tentons d'y voir plus clair, tentons de comprendre ou faire comprendre. En quelques mots, on n'a pas non plus 3 heures pour développer la chose, hein. Mais tentons de le faire rapidement. Qu'est-ce qui se joue actuellement ? À qui il s'agit de s'adresser, de discuter, de redéfendre aussi justement ses positions et le fait que la culture est effectivement est menacée et importante aujourd'hui ? On l'entend beaucoup par notamment ce que l'on nomme le PLF, ce projet de loi de finances 2025, qui a déjà peut-être apporté quelques éléments de réponse en menaçant d'être soit amputé, soit maintenu, gelé. Enfin voilà, donc du coup, de quoi il s'agit ? Quelles sont véritablement ces menaces qui pèsent sur le secteur ? La première chose, c'est qu'effectivement, ce PLF, ce projet de budget pour la France, il est là, maintenant il a été voté, on le sait. Et donc du coup, il va y avoir des baisses qui vont s'opérer donc, sur un certain nombre de collectivités et également aussi sur le ministère de la Culture. Et on sait que l'une des entrées qui risque d'être impactée fortement, c'est l'entrée transmission. Donc, c'est cette fameuse ligne du ministère de la Culture et celle-ci, elle intervient vraiment sur tout le volet des actions culturelles. Donc on est, nous, effectivement très inquiets là-dessus, puisque l'action culturelle, pour nous, c'est un pivot extrêmement important pour faire appréhender la culture à tout le monde. C'est vraiment ce pivot qui nous permet de dire que la culture, elle est pour tout le monde. Et du coup, il va falloir qu'on voit en fait quels vont être les impacts financiers, alors évidemment sur nous, mais sur tous les acteurs de la culture sur cette ligne en courant 2025. Et puis après, il y a aussi ce phénomène qui est en train d'arriver fortement de baisse des budgets des collectivités publiques sur tous les échelons de collectivités publiques, que ce soit les villes, les intercos, les départements, les régions, évidemment. Et du coup, quel impact ça va avoir sur la culture ? Et ce qu'on est en train d'appréhender de plus en plus, c'est que la culture est régulièrement impactée, puisqu'on estime qu'il faut baisser la culture parce que, bah, une fois de plus, on n'est peut-être pas forcément essentiel dans cette société. Et c'est là où je dis qu'il va falloir qu'on fasse de la pédagogie. Et je pense qu'une de nos grosses missions des prochains mois, c'est d'aller au contact des élus, des représentants du peuple, parce que je pense qu'il faut qu'on leur explique en fait à quoi on sert, pourquoi c'est important en fait de maintenir des financements, pourquoi c'est important de continuer d'investir en fait dans la culture, notamment dans une société, j'étais encore en train d'écouter malheureusement des informations avant de venir, qui devient folle. Les déclarations de Trump, elles sont inquiétantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de toucher en fait à des fondements en fait, notamment de l'Europe, sur comment on s'est reconstruit en fait après la guerre. Et il y a eu plein de fondamentaux en fait, et on est en train de tous les toucher les uns après les autres. Et si on se mobilise pas là-dessus, eh ben, j'ai des grandes craintes en fait pour notre secteur, mais aussi pour la société en général. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on recrée en fait la relation aussi avec nos élus, que je pense que parfois on a perdu. Moi, j'ai été assez heurté en fait par les dernières élections, notamment législatives, mais aussi européennes, où la culture n'a pas été abordée. On n'a pas parlé de culture. Et donc, c'est dérangeant pour moi. Parce que la culture, c'est quoi ? C'est le lien social. C'est comment on fait société. Et je pense que si on n'est pas, on reprend pas en fait ce discours-là, si on reparle pas, si on recrée pas le débat aussi en société, eh ben, on risque à un moment de mettre la culture dans une case de non essentiel, de non obligatoire. Et je pense que c'est une erreur en fait. Oui, on est dans un monde en pleine refonte, hein, véritablement, voire dans un moment charnière sans doute de changement. Alors tu évoquais Trump, ça semble très lointain. On a eu des annonces d'élus localement ici, à différents échelons d'ailleurs, comme tu le précises, il y a quelques semaines. Ce fut le cas pour la région, par exemple, des Pays de Loire, avec un discours quand même très décomplexé sur le soutien ou non-soutien à la culture. On a vu le département de l'Hérault également prendre des décisions assez brutales et radicales en la matière. Et puis alors encore tout récemment, puisque je lisais là encore en t'attendant, un communiqué des élus d'opposition au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui s'inquiète énormément, alors à la fois d'un budget qui semblait être sanctuarisé, mais qui finalement, précisément en rentrant un petit peu dans le détail, en réalité, eh bien le budget prévoit une baisse de plus de 5 millions d'euros du financement des activités artistiques et culturelles. Alors je crois qu'il y a une assemblée générale, il me semble séjour du Syndéac notamment, qui a l'air aussi sur ces questions. Je ne sais pas si tu en étais d'ailleurs et si tu as suivi la chose. En tout cas, voilà, on va dire concrètement, les éléments tombent. Bah là, les intersyndicales, effectivement, sont en train de se mettre en place pour essayer de voir comment on essaye de construire là une mise en débat en fait avec les collectivités territoriales. Alors évidemment, on parle beaucoup de la région, mais il y a aussi toutes les autres collectivités territoriales sur qu'est-ce qui se passe, en quoi vont être dimensionnées ces baisses, parce qu'en fait, on n'arrive pas bien à les appréhender. Nous, ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on nous parle beaucoup de baisses, mais on ne sait pas encore lesquelles. On est déjà fin février et que pour des budgets 2025, ça commence à faire tard pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc je pense que là, l'urgence en fait, c'est de savoir si baisse il y a de combien, et de savoir aussi pourquoi il y a ces baisses. C'est-à-dire qu'on voudrait savoir si c'est des baisses qui vont être durables ou pas, ou elles sont vraiment liées entre guillemets à un effort qui est demandé à plein d'acteurs et pas que les acteurs culturels, parce que c'est ça aussi qu'on veut sonder, c'est est-ce qu'il n'y a que les acteurs culturels qui sont mis à contribution ou il y a les autres acteurs. On sait qu'il y a la filière ESS par exemple qui est beaucoup impactée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fait, on veut savoir de quelle baisse on parle, sur quelle période, est-ce que c'est temporaire, est-ce que ça va se poursuivre, parce qu'en fait les acteurs ont peur en fait, ils ont peur que les activités s'arrêtent, ils ont peur de ne pas pouvoir continuer, et c'est sur ça en fait qu'on veut bosser. On veut faire retomber l'anxiété en fait sur les porteurs de projets, parce que porter des projets en ayant la peur au ventre de se dire est-ce que ça va durer ou pas, est-ce qu'on va pouvoir poursuivre, c'est juste pas possible aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un discours de réalité et un discours vrai, c'est-à-dire qu'on veut avoir des élus qui nous disent les choses et qui nous disent dans quelle temporalité ils vont mettre en place les choses. C'est ça en fait dont on a besoin nous aujourd'hui. Et puis surtout, on va re-aller au combat pour dire que la culture, il ne faut pas la baisser de manière systématique, et surtout c'est pas forcément le sens de l'histoire en fait. Quand on est en train de regarder ce qui se passe partout, ce sens de la culture, ce comment elle se développe dans nos sociétés, bah, il nous semble qu'en fait c'est un indispensable pour combattre en fait toutes ces idées qui sont en train d'arriver. Et je parlais de Rome tout à l'heure, ça paraît loin, mais en fait on voit bien qu'il est en train d'attaquer l'Europe et que l'Europe est extrêmement fragilisée. La France est un pays important de l'Europe et on doit montrer en fait au reste de l'Europe qu'on est sur ces questions-là et qu'on veut en fait continuer à être sur l'hétérogénéité des publics, de la diversité des publics, qu'on veut qu'il y ait une vraie vie culturelle en fait à la française mais aussi en Europe, et je pense qu'il faut que ça reste un exemple. Donc c'est pour ça que je pense que quand je dis qu'on vit avec l'histoire, c'est toujours petites histoires, grandes histoires, on est en plein dedans en fait. Je pense qu'il faut qu'on démontre en fait qu'on est capable d'être encore très présent sur ces questions-là et que ça a du sens. Alors la réaction ou la mobilisation, je dirais, elle s'envisage peut-être de quelle manière? En ce moment se déroule le mouvement Debout pour la culture qui bat son plein, qui mobilise des dizaines de milliers d'usagers du service public dans toutes les salles de France. Toi qui justement suis aussi ce travail, je dirais, de fédération aussi hein, du secteur à différents peut-être échelons niveaux, qu'est-ce qu'il en est? On va dire qu'il y a trois éléments. Moi, je pense qu'il y a un élément effectivement de mobilisation, c'est-à-dire remobiliser. Donc, c'est vrai que ce mouvement Debout pour la culture, il est important. Il nous rappelle une époque qu'on a connue il y a une dizaine d'années en arrière, au moment où il y avait eu les attentats en France, on s'était dit on reste debout. Et là, c'est exactement le même principe. On reste debout, on ne va pas plier en fait. Donc, c'est vraiment un mouvement pour dire on est là, on existe. Ça, pour moi, c'est un élément très puissant. Le deuxième élément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est recréer en fait la relation avec les élus, avec les collectivités qui doivent être des partenaires avant d'être des subventionneurs en fait. Ce sont des partenaires de nos projets et il faut qu'ils continuent à l'être. Et je pense que la force de la culture, ça a toujours été d'être sur des cofinancements. Et il faut qu'on reste en fait dans cette dimension des cofinanceurs puisqu'en fait, on doit avoir toutes les parties prenantes autour de la table quand on mène des projets. On l'a toujours fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'on arrête de le faire. Et je pense que le troisième volet, c'est malgré tout, il faut qu'on faut vraiment qu'on arrive à outiller en fait les acteurs sur cette question de changement de paradigme. Parce que malgré tout, on a un modèle économique et on a des économies qui se portent de plus en plus mal et qui vont pas bien. On le sait depuis la sortie du Covid, ça a été assez progressif, mais là les années, elles sont en train d'être extrêmement complexes. Et donc je pense qu'il est aussi de notre devoir en tant qu'acteurs et avec les partenaires financiers aussi, de travailler à la structuration des modèles économiques pour s'assurer en fait que ces modèles économiques ils vont pouvoir passer ces vagues en fait. Et donc on doit agir là-dessus. Et moi j'étais encore en réunion hier avec le contrat de filière musique actuelle qui agit sur la totalité de la région. Et un de nos objectifs c'est de travailler à l'accompagnement en fait des acteurs sur ces changements de paradigme en fait. Comment on change ces paradigmes-là? Comment on recrée en fait des relations? Comment on fait bouger aussi les relations avec les partenaires financiers? Et quand je dis partenaires financiers, ils sont très vastes. Il y a évidemment les collectivités territoriales, mais il n'y a pas que ça en fait dans les partenaires financiers. Il peut y avoir aussi, on pense au CNM par exemple, qui est très important pour le milieu de la musique, mais il y a aussi d'autres sociétés civiles qui sont importantes aussi. Et puis sur comment on apprend aussi à construire nos budgets différemment, comment on apprend en fait à s'adapter à ce qui est en train de se passer pour pas laisser les gens en seuls en fait face à ces difficultés là. Il faut qu'on soit solidaire. Moi c'est souvent un terme que j'utilise, la solidarité d'une filière, notamment celle des musiques actuelles, elle est très importante. Il faut qu'on soit en conscience que c'est une vague qui arrive, qui est très dure, et il faut qu'on soit unis, solidaires pour arriver à passer la vague. Donc nous par exemple, l'exemple du fil, c'est d'être en lien avec les producteurs pour savoir comment on peut mener des projets en commun avec eux pour leur permettre d'être financés sur des lignes sur lesquelles ils ne le sont pas aujourd'hui. Je pense à l'aide à la diffusion qu'on est en train de travailler en ce moment. On va appeler les producteurs pour savoir comment on peut les faire rentrer, nous, dans ce dispositif-là. Donc, je pense que voilà, il y a trois grands volets sur lesquels il faut qu'on travaille. La mobilisation, recréer la relation avec nos partenaires financiers et puis se structurer. En fait, il faut qu'on soit prêt, en fait. Il faut qu'on soit prêt à absorber cette vague qui arrive, sinon on risque d'être balayé. Et il faut surtout qu'on garde la main. Parce que plus on sera immobile et passif devant ce qui est en train de se passer, plus on se fera balayer. Donc il faut qu'on soit en conscience. Et je pense que la place du débat dans notre société, elle doit revenir au centre, en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, en fait. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Il faut qu'on puisse débattre, en fait, sur les sujets. Il faut qu'on puisse débattre de la question des baisses. Moi, je pense qu'il faut qu'on débatte, par exemple, des rééquilibrages financiers aussi à l'échelle de notre secteur, qui est, à mon avis, extrêmement importante. Donc voilà, il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on discute qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est inéluctable et qu'est-ce qu'on peut venir changer. Et moi, je pense qu'on est des acteurs du changement, on continue à l'être. La culture, c'est ça, c'est faire changer la société, la faire évoluer, la faire progresser. Et je pense qu'il faut qu'on soit encore à cet endroit-là, encore et toujours. Oui, sauf que le changement est là et s'opère, et je dirais qu'il n'y a pas débat quand des décisions et des politiques sont affichées telles qu'on l'a entendu et telles qu'on l'observe. Je veux dire, je prenais l'exemple de la région, hein, c'est moins 400 000 euros pour le spectacle vivant, notamment les lieux de diffusion, donc j'imagine que la salle même ici est concernée, moins 5,2 millions d'euros en fonctionnement pour les activités artistiques et culturelles dans le budget 2025, voté en assemblée et en plénière en région. Difficile de, à la fois pour les collectivités sans doute, de faire face à des restrictions budgétaires, ça on l'entend à tout niveau, et donc qui ont finalement peu de marge de manœuvre, mais à la fois de effectivement relancer le débat et le chantier de travail collaboratif comme tu le précises. Après, les collectivités, ces dernières années, elles ont beaucoup investi dans la culture. Enfin, je veux dire, depuis 20 ans, elles ont mis beaucoup d'argent dans la culture. Donc, ça serait trop dommage aujourd'hui de se retirer de manière forte et trop rapidement, parce qu'en fait, ça ne permet pas aux acteurs de créer un nouveau modèle. Nous, notre problématique, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut entendre la question des restrictions financières, on peut l'entendre. On peut entendre qu'on est sur des modèles économiques qui sont difficiles. On peut tout entendre. Mais en fait, il faut que ça se fasse dans la concertation. Nous, aujourd'hui, ce qu'on regrette, c'est le retrait de concertation. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à concerter avec les collectivités territoriales, et c'est là où notre place elle est difficile. Moi, je siège aujourd'hui dans un conseil d'orientation pour les métiers du spectacle, qui est à l'échelle régionale, et c'est ce qu'on est en train de pointer. On veut en fait qu'il y ait un débat avec la région et l'État sur ce qui est en train de se passer et comment on fait en fait pour s'adapter à ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas le faire de manière brutale. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est la brutalité des choses. Donc il faut qu'on revienne en fait à un système où on se concerte, c'est-à-dire qu'on discute et on essaie de voir comment on peut avancer. Et on sait qu'on est capable de le faire, on peut le faire. On l'a fait pendant la période Covid, parce qu'on était face à des situations très difficiles, et à l'époque, il y avait une concertation forte. On était tous sidérés par ce qui se passait, mais la sidération, elle est en train aussi de revenir, là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre de la concertation, il faut remettre du débat, pour moi c'est important, et qu'on discute. Et c'est vrai que ces baisses là, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc elles impactent un certain nombre de lieux, on le déplore effectivement. Nous, au fil, a priori, on n'est pas impacté pour le moment, puisque les musiques actuelles semblent un peu moins impactées, en tout cas, je mets des gros guillemets, pour le moment. Et donc du coup, on est en train de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut qu'on discute avec aussi tous les syndicats pour savoir qui a été impacté fortement, comment ça se passe, et surtout l'année, elle n'est pas finie, l'année 2025, elle n'est pas terminée, et comment aussi peut-être des appels à projets, peut-être d'autres types de financement peuvent prendre le relais de ces baisses qui peuvent être temporaires. Donc c'est là en fait où il faut qu'il y ait discussion, il faut qu'on voit comment on peut passer ce cap-là. Dans toutes les équipes, dans tous les lieux, il y a des équipes permanentes. Aujourd'hui, on ne peut pas se raisonner en se disant, bah, on va faire des licenciements économiques, on n'en veut pas. En fait, on sait que licencier dans des structures comme nous, c'est arrêter les activités. De toute façon, c'est très clair. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, comment on passe ce cap? Comment on passe cette vague qui est compliquée? Donc, on sait que 2025 est compliqué. On sait déjà que 2026 va être compliqué. Donc, comment on passe cette phase-là? Et on pense que nous, il y a moyen de le faire. Mais par contre, il faut qu'on le fasse en se concertant, en discutant, en se mettant autour de la table et en ayant des élus qui sont en conscience et qui puissent discuter avec nous. Là, ce qu'on voit à la région, c'est qu'il y a des répartitions d'enveloppes aussi qui sont en train de se passer, des enveloppes plus importantes sur le patrimoine, un peu moins sur le spectacle vivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de bouger mais qui est temporaire? Nous, c'est à ces réponses-là qu'on veut avoir. Et puis, l'autre réponse qu'on veut avoir d'une manière très, très, très rapide, c'est la question du versement des enveloppes financières. Puisqu'aujourd'hui, ça aussi, c'est en train de bouger. Donc, ça met en difficulté les structures, notamment sur le volet des trésoreries. Et c'est là-dessus où il faut qu'on ait aussi des réponses. En fait, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est des réponses à nos interrogations. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, c'est là où on veut qu'on revienne à la discussion et qu'on puisse avoir des éléments de réponse rapides, parce qu'on est en février et que 2025 est déjà entamé de 2 mois. Donc, ça va très vite pour nous en construction budgétaire. Juste pour terminer, les impacts, on les observe aussi par diverses décisions, au-delà des chiffres, des annonces faites budgétaires. C'est des emplois, les fonds PEPS, c'est le Pass Culture dont on a entendu parler, c'est les services civiques, même si tout cela est parfois non confirmé ou rebouge un peu sur quelques lignes. Cela impacte la programmation et la diffusion aussi. Et alors, je lisais hier, puisque nous sommes sur cette soirée aussi avec ce concert de Zone Libre, sur les réseaux sociaux, un message de Serge Tessoguet qui indiquait pour cette date stéphanoise, si vous avez prévu de venir réserver et vivement conseiller, parce que vu la nouvelle politique en cours qui conduit les salles à annuler, s'il n'y a pas beaucoup de réservations. Donc on voit que par effet domino, ça impacte toute la chaîne. Ah ouais, tout à fait. Alors nous, ça ne sera pas notre cas, bien évidemment. Nous, on a quand même cette chance d'être labellisés. On est une scène de musique actuelle, donc on a un label. Donc effectivement, on reçoit des financements publics et typiquement des formats comme Vendredi Soir. Pour nous, c'est hyper important en fait de défendre ce type de format et on les annule pas, même si on a une audience qui est parfois un peu moins forte que sur d'autres dates. Mais c'est pas grave parce que c'est notre rôle en fait. Il faut que cette programmation, elle soit hétérogène. Il faut qu'elle puisse proposer plein de choses. Il faut qu'on puisse avoir plein de publics différents au fil, et c'est notre métier et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc non, on n'annulera pas, nous, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on le déplore. Après, on sait qu'il y a des salles qui sont face à des grandes difficultés financières, bien plus que ce que nous on pourrait connaître. Donc nous, on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur cette ligne, on espère pouvoir le tenir, mais en tout cas on est habité par ça au fil. Nous, la question du sens de notre programmation, c'est extrêmement important dans notre projet, et on se voit pas en fait annuler parce qu'il n'y a pas assez de monde. Il faut que ça vienne en fait. Donc on construit ça, on sait que c'est des briques ce qu'on est en train de mettre en place, donc on met en place des briques. Des fois c'est plus ou moins compliqué sur les fréquentations publiques, mais c'est pas grave, en fait c'est de notre rôle. Si la vision de la culture c'est l'audience, et l'audience permanente, on n'y arrivera pas, parce qu'en fait c'est pas comme ça qu'on crée de la diversité musicale. Donc pour nous c'est important en fait que des formats comme ça aient lieu, parce qu'en plus eux aussi ils créent du débat. Parce qu'ils donnent une autre vision du monde, en fait. Et c'est ça qu'on recherche, nous. Donc, je pense que c'est là notre rôle, c'est là notre métier. Donc, il faut qu'on reste debout, ça, c'est clair, face à cette vague. Et il faut qu'on reste en conscience, je le dis souvent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les sujets sous le tapis. Il faut être en conscience et de savoir comment on les met en œuvre dans nos structures. Nous, on est un outil et on espère que tous les artistes utilisent cet outil encore pendant des années. Radio Dio, par en live. Sauvagement l'offre. Comme à ton habitude, alors monte le son, comme à ton habitude. 895 Dio sur la bande FM www.radio2.org. Vous suivez cette émission et ce programme en direct du fil ce vendredi 21 octobre. Nous sommes en direct du club de cette salle entre 19h et 20h. Une interview auprès de Ludivine Ducrot, directrice de cette salle, réalisée hier matin. Donc c'est tout frais pour faire un point en effet sur état des lieux et enjeux autour de ces politiques culturelles en place, annoncées, menaçantes. Voilà l'occasion de faire le point sur cette question-là, le secteur culturel. Mobilisé en revanche, debout pour la culture, en effet, plus que jamais. Et on fera un autre point en compagnie de Ludivine sur l'antenne de Dio. Ça se passera le mercredi 5 mars dans l'émission Plus Fort, J'entends Rien, où j'aurai le plaisir de recevoir plusieurs acteurs et actrices à l'occasion de plusieurs événements culturels liés à la journée du 8 mars, célébrissime journée internationale du droit des femmes. Et en plateau, eh bien, il y aura donc Ludivine pour le fil, il y aura aussi Giddy Up dans la place, Le Clapier, il y aura le Remue-Méninges et a priori peut-être des gens autour d'une organisation d'un concert excellentissime qui se situera du côté de la Gueule Noire en soutien à CNT Femmes Libres, plateau donc qui donnera l'occasion de discuter bien de qu'est-ce qu'évoque à toutes ces personnes cette journée mondiale, qu'est-ce qu'on fait toute l'année à la place de cette journée mondiale, et qu'est-ce qui fait que y a quand même 4 soirées culturelles qui s'organisent autour de ce temps. Et oui, bon nombre de rendez-vous qu'on aura l'occasion de rappeler sur notre antenne, bien entendu. Ce sera le cas d'une manif aussi intersyndicale qui est en train de se mettre en place, avec des départs prévus sur Saint-Étienne, sur le nord du département, à Rouen également. Bref, on aura l'occasion de rappeler cette journée du 8 mars qui sera célébrée sur Dio dans ton programme, Loïc, Plus Fort, J'entends Rien, le mercredi 5 mars midi, 19h, rediffusion en matinale dès 8h. Et si justement nous nous arrêtions sur ces dates de début mars et des 7 et 8 mars, le 8 mars, salle Le Fil précisément, eh bien c'est une affiche d'artistes féminines qui est programmée. Il y en a deux en fait, il y a le 7 aussi. Oui, alors je voulais annoncer auparavant le 8, simplement juste annoncer que pour des raisons de santé, Eisa Yezuke ne pourra assurer ce concert prochain. Elle est remplacée par l'artiste La Valentina avec Maya Kamati, le 8 mars ici même, salle Le Fil. Il y a également la veille, le 7 mars, We Hate You, Please Die, un groupe qu'on a largement défendu aussi sur notre antenne, qui a fait l'objet d'un coup de cœur Ferra Rock. Tout à fait, un partenaire Ferra Rock, une veine beaucoup plus rock, punk et enragé, le 7 mars à 20h30 ici, salle Le Fil. On va en profiter pour justement nous arrêter sur cette programmation avec une proposition musicale, avant de retrouver nos invités, on le rappelle, dans ce duo par en live de ce vendredi soir 21 février. Nous allons accueillir d'ici un instant le trio Zone Libre, Serge Tessoguet, Marc Namour et Cyril Bilbao qui vont nous rejoindre d'ici un instant ici au plateau pour une interview en direct à suivre et se poursuivre jusqu'à 20h. Et comme elle a annulé, que c'est la deuxième fois qu'elle annule sa venue à Saint-Étienne, j'ai décidé de faire de l'anticommercial et de vous jouer Eza Yasuki avec le morceau NGR. Très bien senti. Fédérer nos troupes, il est temps de semer. Cautériser nos plaies sur un tas de sommes. L'inconscient m'a traité de nègre. Il s'est fait réprimer salement. Tout n'est pas aussi blanc que de la neige. Essaie de répéter seulement. Je peux t'assurer que la tête goûte à le sol. J'ai pas la face à Galatou, ouais, mais j'ai le sang chaud. Si tu fais le foot, t'auras la leçon. Non, on se bat depuis, t'as fait une manif et t'es lassé. Nous, dans notre âge, on est seul au monde. Bien sûr qu'on aura le règne du roi Salomon. Fuck tous les six rages, je pisse sur ces sales humains. C'est pas Greenpeace, pas une seule au monde. À l'époque des notes collées, je voyais les choses d'une autre couleur. Mais y'a le temps qui s'écoule, tu penses tu peux taire ma colère. Leur livrer les champs de colons, genre nous on prend plus des couleurs. On a encore pris une vraie baffe hier. On prit un des nôtres, faut se méfier. Y'a que quand je prie que le taf hier. Aux abonnés incompris mes fiers. Yeah. Issa, solo et noir comme as de pique. Ouais j'ai fait du chemin depuis. Personne me peut même pas le dépit. Ils ont torpillé l'Afrique à coups d'épître. Y'a ceux qui tuent en masse sous le képi. Rien à vous de me jeter dans le guépier. J'ai le flow, les rimes, j'ai le débit. Viens pas me dire que ma violence est débile. Personne pourra protéger son dos. Quand la folie aura raison, la raison. Le soleil sommeille, c'est pas la paix qui s'endort. Y'a des connexes qui se créent dans le réseau. Et voilà pour ce concert attendu donc le 8 mars prochain, salle Le Fil. Nous sommes en direct du Fil précisément pour ce plateau Dio Par en Live. Dans le crépitement du brasier souterrain, c'est tout l'objet de ce programme et de cette émission et surtout de la programmation et de l'affiche de ce soir à partir de 20h30. Zone Libre nous a rejoint, ils nous ont rejoint, c'est un trio, Cyril, Serge, Marc, bonjour, bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission, deuxième demi-heure. Les portes s'ouvrent, le public devrait possiblement nous rejoindre. En tout cas, ils sont les bienvenus, bien entendu, pour assister encore à ce programme et à votre concert tout à l'heure. On le disait un petit peu hors antenne, c'est la troisième fois que vous vous produisez ici, salle Le Fil, avec Zone Libre. Zone Libre, formation à géométrie variable. Et précisément, vous l'avez démontré par ces trois prestations ici à Saint-Étienne. Une première mouture en 2009 avec les participations de Kazé et Amé à l'époque. Deuxième participation il y a 10 ans, 2015, avec cette fois la version quartet, si on peut dire ainsi. Il y avait Mike Ladd, Marc, déjà Namour, et puis toujours tous deux, bien sûr, Cyril et Serge. Il y a 10 ans, je le disais, donc... Un projet qui a évolué, qui est à géométrie variable, comme je le précisais, trio, quartet, sextet. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur la genèse, finalement, de Zone Libre, créée depuis 2006-2007, initialement, originellement, je dirais, par Cyril et Serge. Comment vous aviez envisagé ce projet qui, donc, évolue sous moult formes jusqu'à encore aujourd'hui? En fait, Zone Libre, c'est un duo, c'est Cyril et moi. C'est de la musique instrumentale. improvisés pour la plupart de nos projets. Dans tous les cas, quand on est juste en duo, tous les deux, c'est toujours improvisé. Et effectivement, quand on jouait avec Amé et Kazé, il y avait toutes ces parties écrites en mode chanson, c'est-à-dire couplet-refrain, quoi. Donc mode rap. Voilà, moi je mets de la chanson et Cyril aussi quelque part, mais à la fois Cyril il tapait déjà sa batterie sur des rythmes hip-hop quand il a commencé. Donc il y a un truc marrant que je voudrais dire, c'est que souvent on parle, ouais, tout ça, la composition, machin, Sergio, tout, t'es vachement le truc dans l'histoire et tout. Mais à l'époque d'Amé et Kazé, je demandais plutôt à Cyril, j'ai envie de composer sur tes riffs de batterie, parce que c'est des pures compositions de batterie, et l'harmonie, je la construis autour, en fait. Et, sauf que c'était jamais relayé par les journalistes. Et Cyril, donc mon pote, que je considère comme un putain de compositeur, voilà, donc c'est un mec qui... moi, je viens du riff de guitare, et Cyril, pour moi, c'est un mec que j'ai connu comme un mec qui fait des riffs de batterie. Et on s'est réunis tous les deux à partir de ces deux éléments très simples. Et puis, on a développé une musique qui s'est complètement libérée, 12 zones libres, le nom, et voilà. Puis plus tard, on a bossé avec Marc Namour et Mike Ladd sur un projet polyurban, Zone Libre Polyurban, qui était aussi sur des, pour le coup, pas des riffs de batterie de Cyril. On a réinversé les rôles, c'est-à-dire sur des riffs de guitare, beaucoup de rythmes impairs sur lesquels Cyril rentrait, et on essayait de faire en sorte que on fasse une sorte de polyrythmie, ouais, on n'a pas peur des mots, tu vois, vraiment de s'amuser vraiment avec ça, le jeu purement ludique du son et des... Voilà, mais c'était quand même très écrit sur des patterns qui étaient des sortes de sans fin, en fait, de patterns musicaux. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer des heures, une pattern, et avec tout le temps, à chaque mesure, avoir une information nouvelle, soit de l'un, soit de l'autre. Donc on a enrichi notre dialogue tous les deux comme ça, et puis quand on a invité Marc Namour et Mike Ladd, on les a conviés à venir poser leur voix, leurs textes, leurs idées, avec cette musique qui était complètement malléable. Et le premier concert qu'on a fait, c'était 3 jours avant qu'on joue le concert, en fait. Ils nous ont rejoints tous les deux. Ils ont structuré leur rencontre tous les deux. Et puis l'histoire s'est faite comme ça, quoi. C'est très proche du DJing, finalement. Très proche de, tu dis ? Du DJing, comme une manière d'offrir quelque chose qui peut... Bah, disons, en gros, c'est de la musique vivante, tu vois. Enfin, on vient de là, quoi. Ouais. Les choses doivent surgir, en fait. Et ça me fait penser que quand on a commencé à bosser avec Marc Namour vraiment sur de la prose, quoi, plus sur du rap, mais de la prose, c'était avec le texte d'Aimé Césaire. J'ai demandé à Marc de choisir le texte. Donc c'était le cahier de retour pays natal de Césaire. Et là, c'était une expérience complètement nouvelle, parce qu'on a demandé à Marc de nous rejoindre sur scène pour la première fois, sans répétition au préalable. Donc on était complètement aguerris, Cyril et moi, à jouer en improvisation pendant je sais pas combien d'années. On a vachement taffé comme ça. Et on avait ce plaisir juste de prendre les sons en vol, et surtout par rapport à la parole de Césaire, qui était, lui, quand il parle de cette énergie créative qui est volcanique, qui surgit comme quelque chose qui est incontrôlable et qui pulse et qui doit aller là où elle doit aller, c'est clair. On s'est dit avec Cyril, donc on propose à Marc de nous rejoindre sur scène, et on verra ce qui se passera. Et donc c'est un projet qu'on n'a jamais répété, par exemple le projet autour de Césaire, et Marc donc a choisi le cahier. C'est lui qui a fait le découpage et qui a quelque part structuré ce qu'allait être l'ensemble, en fait. Ça, c'est Debout dans les cordages, c'est inspiré de cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, que vous aviez effectivement beaucoup joué, qui a donné lieu aussi à une production et un projet discographique en 2017. Vous avez 6 albums à votre actif, on l'a dit, sous moult formes. On a évoqué Kazé Amé, il y a Ubi James aussi qui a remplacé Amé un temps. Il y a eu aussi des collaborations avec Médéric Collignon, avec Akoch également, qui a donné Zone Libre, Polyurbaine, Kit de Survie. Et puis là, on s'attendait peut-être à une nouvelle forme, parce que Aimé Césaire était déjà dans cette veine concert littéraire, comme il a été un peu catégorisé à nouveau pour ce nouveau projet autour de Kateb Yacine. Je voulais savoir comment vous vous empariez aussi peut-être de cette forme-là, toujours avec Marc, tous trois, pour en rendre toujours un projet collectif, un projet de groupe, sachant qu'on a tendance parfois aussi à avoir une vision assez restreinte des choses et penser, tiens, tu enfrontes scène, micro, lead, Marc, pour exprimer les textes et les mots de Kateb Yacine. Comment, tous trois, vous vous emparez de tout cela et je dirais comment on joue, non pas au service d'eux, mais au contraire que la musique, le son, soit aussi le propos, finalement. C'est vraiment un collectif. Et donc, du coup, après, effectivement, l'aventure césarienne, qui a donné lieu à je sais pas, on a dû jouer une soixantaine de fois, on se disait aussi qu'à côté de nos projets où c'est vraiment purement de la composition originale, c'est-à-dire musique comme texte, moi j'écris mes textes, ils composent la musique, on aime aussi avoir ce genre de projet où on remet au goût du jour une parole poétique parce qu'elle a toute son acuité en fait aujourd'hui, et c'est important aussi dans une énergie d'éducation populaire de remettre au goût du jour certaines plumes. Et donc après celle de Césaire, s'est posé la question qui pourrait prendre la suite. Et à notre tournée, on avait fait une tournée en Algérie de Debout dans les cordages, et qui avait été très suivie par toute la scène littéraire algérienne, et à ce moment-là il y a plein de gens qui nous disaient mais en fait c'est magnifique, il faut absolument que vous vous penchiez sur les écrits de Kateb Yacine. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, Kateb Yacine, je connaissais l'auteur de théâtre, mais je connaissais pas le poète. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis plongé dans son écriture poétique, ouais, dans son œuvre, à partir notamment d'un bouquin qui s'appelle L'œuvre en fragments aux éditions Actes Sud, où il y a des textes inédits aussi poétiques. Et j'ai été frappé par sa poésie. Et je me suis dit, voilà, après une plume qui vient des Antilles, je voulais une plume qui venait d'Afrique, pour aussi changer d'axe. Mais par contre, je voulais une plume qui s'exprime en français, qui écrit en français. Parce que moi, en poésie, la traduction, je m'en méfie toujours. Je ne sais jamais si une phrase ne me plaît pas, est-ce que c'est la faute du traducteur ou c'est la faute de l'auteur. Mmh. Et donc moi, je voulais vraiment une plume qui écrit en français, pas par chauvinisme, hein, juste parce que je me suis dit, bah, là au moins, c'est clair. Si j'aime cette phrase, c'est l'auteur et donc tout va bien. Après avoir rentré dans l'œuvre de Kateb, on s'est dit, ben, je les gage, j'ai un nouveau prétendant à la suite de Césaire. Ouais. Et après, du coup, Sergio comme Cyril me font confiance sur le texte. Et donc, je découpe. Voilà. Et alors, musicalement, enfin, même le projet en tant que tel, comment il se construit, vu qu'on est sur une forme assez similaire que celle de Césaire, finalement, comment vous avez renouvelé la chose en termes de travail et d'écriture musicale, je dirais, pour l'ensemble, hein, c'est-à-dire que vous laissez des choses écrites, non écrites, improvisées, même s'il y a bien sûr une sorte de vocabulaire, hein, j'imagine, d'écriture, de... Voilà. Comment vous avez travaillé cela ? Tu réponds, Cyril ? Oui. Cyril ? Ouais. Tout simplement, on a répété. Ah, voilà. Vous avez bossé. C'était alors une grande première. L'art de la synthèse. On a fait une résidence, une création autour de ce projet. Et dans l'idée, c'était essayer de ne pas... de casser avec Debout dans les cordages où là on était dans un impro total et d'essayer de l'appréhender d'une manière différente pour pas retomber dans même si ça serait resté à chaque fois une nouvelle proposition artistique totalement différente de la précédente, mais c'était aussi une manière d'amener le texte différemment et pas donner le sentiment que ça serait du Césaire. Ouais, bis. Bis. Donc vous avez opéré différemment. Parce que je me rappelle à l'époque, vous disiez 5 minutes avant l'entrée sur scène, on se lance des défis et on ne sait pas trop comment je partir. Je peux dire un truc par rapport à la musique de Zone Libre, c'est qu'en fait, avec Cyril, on ne se dit jamais rien. Ça, c'est vraiment important. On ne se donne aucune indication et on rentre sur scène et on joue et il arrive ce qui doit arriver. Il se trouve que là, on avait effectivement, comme dit Cyril, besoin de... Pourquoi pas d'essayer, parce que c'est une opportunité, tu sais. Des fois, nous, on a vraiment aguerri à l'improvisation. En plus, on aime vraiment profondément ça. On se soucie juste si on a été, si l'autre, donc mon pote Cyril, je lui dis ça va, t'as été confort et tout. Il me demande à l'inverse si j'étais confort. Et c'est tout. Après, dans la seconde qui suit, on parle d'autre chose en fait. On ne s'apesante jamais sur ce qu'on fait, on vit en fait cet instant. Mais on avait envie de, ouais, finalement, ce qu'il en ressort maintenant avec le recul, on n'en a même pas parlé entre nous, mais il y a une sorte dans tous les cas, au niveau de la composition de Cyril sur la batterie, il y a des choses qui sont, il y a un état d'esprit qui est, même si les rythmes peuvent être différents d'un soir à l'autre, et encore je ne m'en rends pas compte parce que je vis juste sur l'instant présent, il y a une sorte de côté tribal qu'il n'y avait pas forcément chez Césaire, et que Cyril a vraiment il a fait prendre corps à ça. Après, maintenant, tu vois, je ne vais pas te mentir, mais on ne sait absolument pas qu'est-ce qui va se passer ce soir. C'est juste un état d'esprit, c'est les rythmes, les tempos, c'est des choses que lui maîtrise et choisit en temps réel. Moi, j'interviens jamais sur le rythme. C'est pour lui laisser la pure liberté de tempo et de rythme. Et moi, évidemment, je suis que sur l'harmonie. Donc, comme je suis le seul zikos, eh ben, en gros, je sais jamais ce que je vais faire. Et c'est là une vraie question-réponse entre le jeu de Cyril et la parole de Marc, son interprétation du moment, qui, moi, induit complètement la musique d'une façon ou d'une autre, quoi. Et c'est dans la plus grande joie et avec en ayant toujours en mémoire cette parole d'Aimé Césaire du jaillissement créatif en fait, avec tout le sens que ça peut avoir de faire péter des plafonds dans le sens des choses qui sont soi-disant acquises, des choses qui peuvent devenir par le temps dogmatiques, des choses qui peuvent être enfermantes, des choses qui peuvent être, je sais pas comment dire, tu vois, mais dans tous les cas, on a besoin d'air, quoi. On a besoin d'air. On va poursuivre ce quart d'heure, si vous le voulez bien, avec un espèce de faux jeu, avec un vrai faux blind test. Et ce premier s'adresse à Marc. Oui. Ah bah non, tu veux pas connaître. Putain, grave quoi. L'idée c'est de voir si vous connaissez les autres. Ah oui. Cherche pas dans ta carrière. C'est ça le piège. Ce n'est que prétexte pour parler des autres. Carole Robinson. Absolument. Qui est aussi la directrice de ce projet-là. C'est un duo que j'ai avec elle. On sort l'album, quoi, mercredi prochain. Il n'est pas sorti hier, Sergio ? Si, ouais. Ouais, mais comme le premier concert, c'est mercredi, pour moi... Le premier concert est mercredi, mais l'album est sorti hier, merci, ce 20 février. Stop Killing Us, enregistré en résidence au Centre National de Création Musicale de Marseille. Une pièce, là, on écoute. Je crois que c'est trois... Je sais pas comment on peut dire, pièce, mouvement. On est dans des morceaux d'une quinzaine de minutes, hein, Sergio. Très très beau. Donc, Carole Robinson, clarinettiste, compositrice, qui se confronte à ta guitare. Ouais, c'est la directrice du projet, vraiment, pour le coup. Et c'est clarinette basse et musique électronique de son côté. Donc c'est tout un développement comme ça, où la clarinette devient complètement autre chose, un autre élément, et à la fois avec son naturel qui est toujours présent. Voilà. Donc Marc, tu as repéré, donc tu avais connaissance du projet de Serge. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et tu connais, et je connais sûr, Carole. Carole. Ouais, ouais. Beaucoup de projets, c'était prétexte un peu à parler aussi de vos différentes activités, je dirais. Sergio, toi, tu te retrouves souvent en confrontation et en rencontre, en duo. C'était le cas encore hier, puisque tu as, hier, me semble-t-il, aussi joué un nouveau projet après une semaine de résidence à Saint-Denis, Orage, un duo danse-guitare. Avec Dalila Belaza, une danseuse assez extraordinaire. Et que tu vas tourner là sur pas mal de dates. Ouais, c'est un genre de samouraï. Quand je la vois danser, c'est un pur samouraï pour moi. Une vibration qui me parle en tout cas. Je suis complètement hermétique à la danse parce que je connais pas. C'est pas un langage qui me parle spécialement. Souvent, je m'ennuie. Et il se trouve que cette danse-là, de cette personne-là, ça me parle, ouais. Donc c'est un travail sur la vibration et l'attention. Et puis c'est aussi le mouvement, c'est aussi l'énergie, c'est aussi la liberté parfois. Ouais. Donc ils peuvent te rejoindre aussi sur certains axes. Je creuse depuis longtemps, effectivement. Ouais. Ouais. D'autres rencontres. Alors, quand on va sur ton site, Serge, c'est impressionnant de voir les projets dormants, où on a une liste qui déroule, qui est impressionnant. Et les projets actuels que tu mènes et que tu poursuis, il y a eu le projet avec, pas très loin d'ici, Raled Al-Jarmani, syrien, basé à Lyon. On connaît le trio Baba Salam, qu'on joue très régulièrement sur notre antenne, qui a donné lieu à un album avec toi, c'est Interzone, hein, que tu mènes depuis de longues années. Le cinquième album qui est sorti au printemps dernier. Et tu as de nombreux autres projets dans le cinéma, les choses... tu as une activité foisonnante. La vie, quoi. Ouais, bah, très vivante, en tout cas. Et juste, ça me ramenait à ces projets, pas forcément collectifs et groupes que tu mènes aujourd'hui, mais de rencontres, de duos, mais solo aussi. On t'a aussi connu par des projets solo qui commencent à dater. Ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est des choses dans lesquelles tu ne peux plus te retrouver. Si, en fait, j'ai pour faire court, en fait, ouais, j'ai un projet solo, mais solo guitare, que guitare. Je pense que je sortirais ça dans c'était un an. C'était le cas, sur Silence Radio Ouais, mais il y a de la voix, tu vois. Ouais. Silence Radio, Hiverno, c'était musique-voix, mais là, ça va être que guitare, et c'est des morceaux d'une demi-heure ou d'une heure. Je vais sortir trois albums. Déjà, je suis sur 3 heures de musique, mais c'est que guitare, et... Ouais, l'an prochain, on verra ça, comment ça peut émerger. On poursuit ce vrai-faux blind test qui s'adresse à toi, Sergio, justement. Lionel est très content visiblement de la perplexité des absolument pas. Et je voulais justement contrer rassurer en disant de lui. Il n'y a aucun piège. Je les ai séchés. Alors à nouveau, les blind tests ne vous concernent pas directement. Ils sont là pour parler des autres. Donc ce qui est toujours... Cyril, ça te dit quelque chose? Ça devrait parler à Cyril. Tu t'adresses à la bonne personne, Sergio. Alors, je vois pas qui c'est la chanteuse. Donc je vous le délivre en mille. Il s'agit de Christine Zayed. Cyril connaît, mais moi non, par exemple. Ça. Alors, Christine Zayed, une artiste palestinienne qui a sorti son premier album le 8 novembre dernier, en rotation sur notre antenne. Via l'album, ça s'intitule Kama Kuntu. Et c'est signé sur le label... T-Rec. Tu peux t'emparer du micro, Cyril. Oui, le label T-Rec. T-Records, qui est le label que tu as confondé, Cyril. Tout à fait. Avec Jean-Charles Versari, et auquel Serge a participé pendant un temps. Et les premiers omnibres sont sortis d'ailleurs du fruit. Ça a été les fruits de cette collaboration. Et puis, on est resté Jean-Charles et moi, et on a une activité. Mais là, j'avoue que je ne suis pas trop impliqué dans cette sortie. J'ai suivi ça de loin. Ok. Tu étais plus impliqué quand il s'agissait de ton autre projet Versari. Oui, oui. Qui a aussi bien sûr. Ouais, qui a été signé Versari, chez T-Rec, qui a donné suite à Sloy, parce qu'on va le rappeler, tu es quand même le batteur de Sloy. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver de vieux camarades, en fait, parce que Dio a toujours défendu vos projets respectifs depuis longtemps, divers et variés, pour les uns et les autres. Fais gaffe, tu fais boomer, là. Voilà, et donc oui, donc Sloy, Versari, qui d'ailleurs a sorti un album il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 5 ans, 4-5 ans, ouais, 2020. Ouais, ouais. Bah, là, et donc c'était l'occasion de parler aussi de tes activités, okay. Cyril. Bah là on est en train de terminer le prochain. Ah, un nouveau Versari. Ouais, ouais, okay. Il est quasiment terminé, donc j'espère qu'il sortira à l'automne, là, ou au pire, parce qu'on n'est pas encore sûr de qui va le mixer, donc ça peut être la seule inconnue qui peut faire que ça puisse sortir en 2026, mais en tout cas, il est quasi terminé. Sloy qui est revenu au goût du jour via le label 19 Something aussi, oui, qu'on va rappeler, qui a quand même fait l'ensemble des rééditions des albums de Sloy, en fait, version, je dirais, augmentée, comme on dit bien souvent, voilà. Avec des, voilà, des versions inédites, des lives, etc. Et puis, dans tes activités aussi, cela vous rejoint aussi finalement un petit peu, tu as beaucoup travaillé avec Théo Acola, je ne sais pas si c'était encore le cas sur Chalalala, bah, c'est un peu comme ça qu'on s'est vraiment connu avec Serge, c'est lors d'une tournée commune. Toi, tu défendais le projet autour des textes hivernaux, et puis moi, j'accompagnais Théo Acola à l'époque. J'étais fan de Sloy quand même, faut le dire, tu vois. Dans les années 90, j'étais au premier rang, et je me disais, c'est quoi ce batteur? Et oui, beaucoup de points communs. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est sur cette tournée qu'on a aussi, que j'ai aussi rencontré Jean-Charles Versari, qui, puisque le plateau, c'était Théo Acola, Serge et les Hurleurs, donc le groupe dans lequel Jean-Charles officiait à l'époque. En fait, aussi, cette proposition-là, je voulais l'attendre comme perche pour aborder aussi peut-être votre démarche dans le, je dirais, le monde de la musique avec ce label Tirek que tu as cofondé, Cyril. Mais Intervalle Triton, c'est aussi un label que tu as fondé, Sergio. Et Marc, il me semble aussi que vous fonctionnez beaucoup avec la Canaille, en mode très, je dirais, autonome, un peu DIY, indépendant. Et voilà, c'était juste aussi une petite perche que je voulais vous tendre très rapidement aussi un petit peu sur cette démarche-là qui me semble résonner étrangement dans ce monde de la culture et de la musique aujourd'hui. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots rapport à ces activités et cette démarche d'indépendance que vous défendez toujours vivement? Bah parce qu'en fait, je pense que c'est pas vraiment un choix, mais plutôt une décision par rapport à un contexte musical et industriel qui ne nous va pas du tout, en fait. Et plutôt qu'attendre une éventuelle signature d'un éventuel DA derrière son petit bureau qui va nous faire des petits conseils, nous on est plutôt dans l'optique de se dire bah, on fait ça nous-mêmes et on s'organise nous-mêmes et dans une urgence de créer, de s'organiser, de dire les choses, de composer comme on a envie de composer, avec qui on a envie de le faire. Et je pense que c'est la meilleure façon en tout cas de garantir une direction artistique qui nous parle, en fait, juste. Qui soit cohérente, ouais, aussi. Exactement. Intervalle Triton existe toujours, Sergio? Non, en fait, moi j'ai monté Intervalle Triton, j'ai envoyé, comment dire, je dis fuck à la musique industrielle, tu vois, parce que je viens d'Universal, moi. J'ai demandé à ce qu'ils rendent mon contrat à une époque où Noirdaise existait encore et tout. Et oui. Ça a été, et ils ont rechigné tout ça à l'époque parce qu'ils se disaient, ouais, Sergio, il compose pour le groupe et tout. Peut-être s'il monte un duo avec un nouveau chanteur, ça peut cartonner et tout. Mais bon, dans tous les cas, moi, j'en avais franchement, en fait, j'étais pas bien dans mes pompes, en fait, à cette époque-là. Et je me disais, ça marche pas, en fait. Mais quelque part, je suis pas je suis pas en cohérence, en fait, avec moi-même. Donc j'ai dû tout refuser, tout un tas de propositions complètement débiles de cette musique commerciale et industrielle. Tout ça, machin. Vite fait, j'ai eu des propositions de Maboul et juste, comme je dis non à tout, au bout de 6 mois, plus personne ne m'a jamais appelé. Et enfin, j'ai eu la paix, parce qu'en fait, j'ai toujours su où je me situais. C'est-à-dire que je sais très bien que mes projets, ils ne génèrent pas d'argent, dans le sens où ce n'est pas grand public, ça ne peut pas être grand public. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, je pense qu'on vit en parallèle d'un monde qui ne nous convient pas, et il faut creuser ce parallèle-là, ces angles, comme disait Amé, ces angles morts, pour pouvoir exister autrement et pour faire d'autres propositions qui sont hyper singulières. Et alors, moi, je trouve qu'en ce moment, par exemple, pour parler de l'actualité, je trouve que... comme on voit dans le Live Nation, AEG, toutes ces grosses structures qui comment dire, explosent toute la forme dans la diversité et du sens, dans la diversité, dans toute l'existence de choses singulières et tout ça, qui sont en fait tués par ces grosses structures pour juste faire du commerce, comme les majors finalement. C'est quelque chose qui, moi, j'ai commencé à réfléchir à ça dans les années 2000, en fait, c'est assez vieux. C'est à l'époque du streaming où je me suis dit, bon, déjà, ça part mal. L'idée du streaming est géniale. Mais par contre, le fait que nous ne soyons pas rémunérés, les artistes, c'est tellement que dalle. En fait, j'ai quitté tout ça aussi. J'ai pas voulu que mes albums soient en streaming, etc., de toutes mes productions. Parce qu'on a absolument besoin de faire un pas de côté et d'inventer une autre façon de vivre. On n'a pas le choix, sinon, si on joue le jeu de ces majors, quelque part, on est mort. C'est la mort. Ouais. Le pas de côté, parallèle, projet parallèle toujours. On continue ce vrai flow blind test adressé à Cyril cette fois. Réponse Cyril, vous ne vous connaissez pas, hein, c'est officiel. Alors bien sûr j'ai extrait que la séquence instrumentale pour éviter de retrouver les textes et paroles et voix de Marc bien sûr. Sur ce projet là, Sylvia Dirienzo pour donner au propos une dimension supplémentaire. On entend Marc. Sur ce projet-là, qui a été une résidence il y a 6 ans de cela, Work in Progress, avec Serge. Et c'est donc Sergio à la guitare qui reconnaissait à peine sa guitare. Création sonore, un spectacle. Alors Cyril, ça ne te dit rien, tu n'avais pas connaissance de ce projet. Marc, tu peux nous en parler, et c'est aussi l'occasion de parler de tes projets aussi rapidement, parce que le temps tourne très vite, il va nous rester 5 minutes au compteur. Un projet-là sur le travail, le discours dominant utilisé dans le monde capitaliste et libéral. Ouais, c'était le troisième projet que je mettais en place à Royaumont en tant que résident à l'abbaye de Royaumont. Et il fallait à chaque fois, c'était un service particulier, ça s'appelle le transculturel. Et donc il fallait se faire rencontrer des disciplines qui se croisent rarement. Et là c'était le troisième projet, et là le but du jeu c'était de croiser la guitare de Sergio, les percussions de Stéphane Edouard et des danseuses, oui. et le rap. La danse et le rap. Les danseuses Héloïse Deschemin et Sylvia Dirienzo. Exactement. Sur ce projet-là. Dans tes projets actuels, parce qu'on t'a connu aussi, on avait reçu l'album il y a quelques temps de cela avec Loïc Lantoine. Fier et tremblant. Non, ouais. Fier et tremblant. Mm-hmm. Tu as Portrait craché que tu défends aussi depuis la rentrée dernière. Là. Exactement, qui arrive là. C'est le prochain disque qu'on va sortir à l'automne. Avec Loïc Lantoine toujours. Avec Loïc Lantoine, Portrait craché. Et ouais, bah c'est, en fait c'est la canaille. Plus Loïc Lantoine. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets aussi en duo, notamment avec une poétesse qui s'appelle Lisette Lombé, qui est la poétesse nationale de Belgique là. Et on fait un duo où moi je fais les prods, et du coup c'est vraiment une rencontre entre le slam et le rap, toujours autour des mots. Et après j'ai encore plein d'autres projets, mais voilà, c'est les principales activités qui me tiennent en ce moment là. Ouais, on va laisser de côté, je voulais parler travail aussi, les pièges de l'agenda, mais le plaisir aussi de... Bref, on va laisser tout cela pour la dernière proposition de ce vrai faux blind test. Avec là, vous êtes en trio, mais le quatrième membre bien sûr, et non des moindres, qui... Il y avait... C'était ça coïncidait tout juste avec la victoire sur le nazisme, sur les Allemands. Et il y avait une manifestation officielle au monument aux morts. Et de l'autre côté, le mouvement nationaliste avait organisé une manifestation à part pour demander l'indépendance de l'Algérie, le respect de la charte de San Francisco, enfin un certain nombre de choses, qui étaient les revendications nationalistes de l'époque. Alors j'ai participé à la seconde manifestation, naturellement, avec les autres étudiants. Bien sûr. Et j'ai vu le début de la tuerie, mais ça ne s'est pas passé en un jour. Le premier jour, il y a eu déjà des centaines de morts, mais ça a duré des mois. Il y a eu une répression, beaucoup de gens fusillés. Il y a eu même des fours à chaud dans les deux régions de Sétif et de Galma. Et comme par coïncidence, ma famille est plutôt originaire de Galma, du moins la fraction algérienne de ma famille, tandis que moi j'étais à Sétif. Par conséquent, du côté de ma mère, elle a pris un peu pour ses frères, pour des cousins que nous avons eu assassinés, etc. Pour réponse. C'est la voix du grand Kateb Yassine. C'est Kateb Yassine, en effet. Une interview archive, elles sont rares, les images et interviews de Kateb Yassine. D'ailleurs, Sergio, tu disais ne pas connaître sa voix, en fait, même. Donc, je ne connais pas sa voix, je connais assez peu ses textes, hein. Je suis désolé de dire ça. Mais... Et vous n'avez pas du coup même utilisé, par exemple, des extraits d'interventions de Catherine Yassine? Je m'en suis beaucoup nourri pour le découpage, forcément, pour rentrer un peu dans le personnage et dans son œuvre et dans qu'est-ce qu'il y mettait derrière, évidemment. Et je veux dire, il y a une phrase aussi que j'adore chez lui, il dit que le français c'est un butin de guerre pour Kateb Yassine. Le choix de la langue française. Exactement. C'est un butin de guerre. C'est un choix important. Ouais. Il explique là, j'ai choisi cette séquence parce que Kateb Yassine explique qu'il est né lors des manifestations nationalistes, indépendantistes et anticolonialistes survenues le 8 mai 45, les massacres de Sétif, Guelma et autres, où il a perdu de nombreux membres de sa famille, sa mère, qui a aussi été interné en hôpital psychiatrique depuis. Lui-même, il était scolarisé à l'époque à Sétif, et il a été dans la foulée, trois jours plus tard, arrêté, détenu durant deux mois, et c'est de là où, en fait, sa conscience politique est née. Ouais, exactement. Si vous voulez en dire quelques mots, parce que ça sera les mots de la fin et conclusion de cette émission, Kateb Yassine qui fait l'objet de ce spectacle. Bon, en quelques mots, c'est difficile de résumer ça, mais c'est sûr. C'est une parole révolutionnaire, communiste, anticoloniale par excellence. Et je trouve que, en fait, effectivement, elle est née d'un traumatisme, cette écriture. Oui, de souffrance. Exactement. Ouais. Et elle a cette grandeur, en tout cas, je trouve, qu'il y a la colère, bien sûr, qui s'exprime, une colère légitime, et en même temps, toute la mélancolie, en fait, qu'on peut retrouver dans le monde arabe, qui est latente, en fait. Dans l'exil, dans l'histoire migratoire aussi. Hein. Exactement. Et cette espèce de mélancolie, je trouve qu'elle est propre au peuple, au monde arabe. Et il y a quelque chose de très beau, très triste et très... C'est comme un espoir déchu. C'est comme si on était toujours en attente d'eux, et à chaque fois, on creuse, et on se rend compte que c'est comme si l'espoir était à chaque fois attaqué. Mais on ne peut pas le perdre non plus totalement. Et donc, c'est cette espèce de dualité de... On est réaliste face au monde, voilà comment le monde fonctionne, et en même temps, on nourrit toujours cet espoir-là. Et donc, ça fait une espèce de mélancolie qui moi, en tout cas, issu, moi, libanais, et donc je le connais bien, ce sentiment-là. C'est un pays, d'ailleurs, qui, chaque fois qu'il essaie de se relever, retombe. Et donc, du coup, cet espoir, à chaque fois, qui est nourri et en même temps attaqué, ça crée ce que j'appelle cette mélancolie propre au monde arabe, quoi. Ouais, je rajouterais un dernier truc, c'est que... Parce que je connais, même si je connais mal les écrits de Kateb Yassine, mais ce que j'en ai lu, son histoire aussi, je connais plutôt plus son histoire que ses écrits finalement. Ce qui me touche, c'est à chaque fois, c'est comme plein d'auteurs, comme plein de musiciens, c'est des gens qui sont à la recherche de la différence, des gens qui ne sont pas comme eux et aller vers la différence parce qu'on se nourrit de cette différence et ça nous enrichit tout le temps. Et c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie effectivement contrebalancé entre l'Algérie et le monde, un monde autre, quoi. Oui. Et la curiosité, en fait, avoir cette ouverture à l'autre, quoi, qui est différent de soi, et par ça on apprend plein de choses. Sa vie est ponctuée d'aller-retour, de nomadisme, de d'errance, finalement. Il s'est nourri de ça, et ça a fait d'ailleurs de son travail ce lieu, cet espace d'expérimentation qui me semble aussi vous caractériser finalement. Il est grand temps et heure, malheureusement, de terminer. On aurait pu passer des heures ensemble. Grand merci à vous, en tout cas. Merci à vous, en tout cas. D'aller au travail. Il est temps d'aller au travail, quoi. Pour vous, d'aller au boulot, pour vous. Ouais. Nous, on va aller manger. Nous, du coup, on va terminer. Mais on vous retrouve, on vous le rappelle. Attention, si vous suivez la rediff, bien sûr, mais c'est à partir de 20h30, 20h45. C'est un set qui est d'une durée de combien? On se demandait sur ce type de concept. Environ une heure et quart. Environ une heure et quart. Voilà, ça s'appelle Dans le crépitement du brasier souterrain. La première a été jouée en mars 2024 à la Maison de la Poésie. C'est avec grand plaisir de vous retrouver ce soir à Saint-Étienne, et les dates vont encore se multiplier, tournées prévues sur chacun aussi d'autres projets d'ailleurs que vous menez. À nouveau, mille merci à vous. Il est grand temps de rendre l'antenne. Tout à fait. Avec un peu de retard, on s'excuse. On s'excuse auprès de Pop Dreams qui doit attendre avec impatience la fin de l'interview. S'ils n'ont pas déjà entamé, on laisse l'antenne, bien sûr, retour au studio au direct. C'est la 1436e, je crois, de Pop Dreams ce soir. Overdrive dans la foulée à 21h30. Merci Loïc. Merci à toi. Et très bonne soirée à vous. Merci à vous. On se retrouve prochainement. On clôt avec El Ras pour passer l'antenne. Très bien. Allez, c'est parti. Bye. Merci les gars, super agréable. يمكن بكرة أحلى يمكن لا يمكن قلب العالم يقسى يمكن را لما أكون حتى تزول لن تزول حتى نكون رمضان الجاي بالأقصى دعوة حب يمكن بكرة أحلى يمكن لا يمكن قلب العالم يقسى يمكن را لما أكون حتى تزول لن تزول حتى نكون رمضان الجاي بالأقصى دعوة حب يمكن بكرة هدني يمكن ضرب يمكن تصفر ريح الشرق يمكن تخمد نار الغرب زيت الشجرة بيت النور يضوي الدرب جوا النفق ضد الغرق خضر الراية بوقت الحرب والحق واحد متل سبابات مجاهد ساجد منصاب وعم بيشاهد مستهزئ بشيطان واهن جوا قال جسمه بارد عارفين الغرب مين بس مين كان مفروض يساعد اعراب رغم اسرافة جاعد وملوك حتى اسراها باعد اسرار الشاعد عاليمن كان مرتزق باعد عليبيا وعالسودان منافق بدو يوحد الديان مشروع واعد تبييضنا بمسحوق هالي خوان جاحد مش منطق فوق كتاف عامل تنظير قاعد والدم لتحت التراب عامل زفير عازف نشيد صاعد فرصة التقاء نفوذ ضائد الحق واحد بر أم متل بر والدان متل بر عطشان مع انه بان ميتان ندى المثلث بين حجاز مصر وبلاد الشام خير الرباط فيها وسط الدايرة عسقلان يمكن بكرة أحلى يمكن لا يمكن قلب العالم يقسى يمكن را لما أكون حتى تزول لن تزول حتى نكون رمضان الجاي بالأقصى دعوة حق يمكن بكرة أحلى يمكن لا يمكن قلب العالم يقسى يمكن را لما أكون حتى تزول لن تزول حتى نكون رمضان الجاي بالأقصى دعوة حق إبادة عم تاكل بصحني والأشياء بطلة لطعمة عميانة بنسيانة بتنصحني بنساهم وعقولهم الضحلة قانون خبيث ومش سقفي بياني بليغ ومش مقفي بدك سكين تتاكل بطيخ ما تجرب تشرح لي سلام وحوار وقصص هيك هي خرافات مش على الولاد تنطلق كلها خطابات بالهوى واللي انطلق رد الطلق طاف وطلع شرف شبع فجر نبع الصوت تبع عملوا طبع مصاص دماء على الهوى والصهيوني من الشهيد عنده بنوك جلد بدهم حضارتنا تعيش بس بين حدود فيلم عالمدفع يقروا التلمود ونحن الدين عنف فلتسكت كل الاغاني لو تخدير ذنب اهل الارض بيحيوا الارض والاحتلال بيحيي نوفا اذا الرقص بالغلاف رح ينتزع بكر توفا امكانات العوده للعيش الطبيعي دفنتم بالخيام نيامتن حد عصام على صوره الحبيب ما بترجع عالخصاب اما انت بشيله ونحن نحب القتال اذا ما استطعنا اليه سبيلا بالحق مثل نور شمس بنشق مثل كورنات والنصر اكيد رفع الاذان على قبه حديد عشمعنا بالدعوس بلاد الجليد جاي بلش يطمن الغرب كان لازم يروح 3000 شهيد بحبس مفيم اول من عبر من هون كانوا ولاد المخيم تعرف لا